quai. Un pour ma voix, deux mon histoire, trois le récit d'un affaire que j'ai écrit dans le noir, quatre pour ma dalle, cinq pour mes vailles, six pour mes bases, je dirais simplement c'est grave, huit pour mes rêves, neuf sans trêve, dix ma guerre est personnelle et mes armes sont mes lèvres, onze à ceux qui se disent bad boy de la street, douze aux warriors qui ont des cœurs pris pour cible. Pacifiste pour atteindre mes objectifs, et tu fais chaque jour j'enterre un mot, j'enterre une rime, rime, une fée qui ne désemplit pas de ligne à ligne. Mon récit un scénario dont je suis le king, king. Chaque jour est le tournage de mon film, film. Mes larmes ont formé un lac pour mes signes, signes. S'il te plaît, petit prince, dessine-moi ma vie. J'ai tant à vivre, il n'en ferait qu'un croquis. Une esquisse de mes vers qui s'exprime en trois lettres. Après ma gourmette sur ma peau, je graverai HKM. Pour le comprendre, il faut le vivre lorsque quelques lignes peuvent te redonner le sourire. Un soulagement, moi j'y vois un exutoire. Un soupir pour dépoussiérer une âme blanc ivoire. C'est pas fini. 13 pour ma chance, 14 pour mon enfance, 15 mon élégance, 16 l'esprit que j'ai en abondance, 17 ma naissance, 18 est le sien, 19 une alliance et je ne m'arrêterai pas à 20. 21 comme au blackjack, la vie est comme un jeu de cartes. 22 pour mon rap, 23 précède le 24. 25 pour ma déprime, 26 pour ma tristesse, 27 car ma peur est tenue en laisse. Rime de plomb et mots dans un baril, jamais tu ne verras m'incline, l'égal de Dieu ou l'enfant du diable, jamais personne ne pourra me stopper. Je suis la définition parfaite du lyriciste dans le rap game, jamais je me désiste. Désireux de vaincre et de faire ma place, ouvrez les yeux, voici une entrée pleine de classe. 28 pour mon âme, 29 mon esprit, 30 pour mes larmes et 31 pour ma zik. Et on a fait le tour d'un mot tiré de mon récit. Alors imagine le nombre de chapitres de mon livre. Et tapé dans la vie, je me ressource dans l'ombre. Et une fois que je prie, je m'éteins dans ma tombe. Sans contrainte, prêt à avancer, man, même à 10 000 contraints. Pique au cœur qui rend la vie infernale. Emprisonné entre deux carreaux, le trèfle n'a rien à faire là. Je m'efforce de jouer carte sur table et dévoile mes sentiments pour être quelqu'un de vivable. On n'est pas pareil, je vis seulement parmi vous. Le récit d'un saphir, chapitre 2.